Thank you. que tu on s'en moque. On s'en moque. J'ai posé ma langue sur ta bouche, savouré l'essence de tes moindres mots. Malgré tout, le désir est fragile. Près de nous, le plaisir en péril. Après tout, on s'en moque, moque. J'écris, je le jure, liberté chérie, liberté, oh liberté, oh liberté, liberté mon amour, c'est ta vie que j'épouse en ce jour, certitude. Allons-y, déclamer nos serments interdits. Sur tous les murs, j'écris, je me joue.